S'accomplisse, assidez-vous. C'est toi, viens, ma liberté. Ton roi, tes doigts sont salis. Et l'honneur m'a su payer. Et ta vaillance, toi-même ici. Fixe la récompense, ma parole de roi, que l'hostie en séjour. Sire, au fond de mon âme, pauvre soldat, j'aime une noble dame, je dois tous mes succès, ma gloire à son amour. Accorde-moi sa main. Je veux qu'elle t'aime. Ah, je lui sais nommer en disant la plus belle.